charbon comme la croix. Allô, je t'entends pas. Parano sans toi, je suis comme Pablo sans tata. Meilleur sous tous les angles, fuck un polygone. Nos pères étaient esclaves, c'était pas des Rolling Stones. Je pull up sur la gauche, pull up sur la droite. Les profs de maths à Nazareth n'enseignent pas les produits en croix. Hey, je suis pas ton srap, mais pas ton sel dans mon poivre. Je suis sapé tout en rouge, y'a pas trop de c'est dans mes phrases. Les yeux revolvers, mais ses pupilles vertes rougissent quand elle sourit parce qu'elle a fumé de l'air. Je l'attrape par les cheveux, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent qu'elle descend tout droit dessus. Hier soir j'ai dormi dans une Maybach, j'ai roulé les yeux fermés sur du Ray Charles. Hier soir j'ai dormi dans une Maybach, j'ai ouvert les yeux sur du Mary J. Blige. Hier soir j'ai dormi dans une Maybach, j'ai roulé les yeux fermés sur du Ray Charles. Hier soir j'ai dormi dans une Maybach, j'ai préféré que tu ne viennes pas avec moi. La route est pleine de paparazzi, flashé, flashé, flashé, flashé, flashé. Pleine de paparazzi, flashé, flashé, flashé, flashé. La route est pleine de paparazzi, flashé, flashé, flashé, flashé, flashé. Pleine de paparazzi, flashé, flashé, flashé, flashé. La route est pleine de paparazzi. Mets-moi un Sprite ou un Sony Delight. Oh yeah, comme au bas, j'm'endors à Konoha. 9-4 de tension, j'ai le cœur de Teddy Corona. Fuck une grosse biatch, j'veux une Marion Cotillard. Tes négros partent en lambeau, ils reviennent en corbillard. J'ai appelé le bonheur, mais j'crois que c'est un faux number. On a peur de Dieu, t'as peur de perdre tes followers. Avant de couper tes bras, t'as la Vénus Milo. J'te laisse faire une dernière fois, à la Delidello. Ne m'écoute pas, elle me prend pour un X-Men parce que je suis jeune, libre et coupable. Planche de gauche à un micro, mais le diable ne m'aura pas. Je roule en warning sur droit chemin, comme un jour de mariage. Hier soir j'ai dormi dans une Maybach, j'ai roulé les yeux fermés sur du Ray Charles. Hier soir j'ai dormi dans une Maybach, j'ai préféré que tu ne viennes pas avec moi. Pleine de paparazzi, flashé, flashé, flashé, flashé. La route est pleine de paparazzi, flashé, flashé, flashé, flashé, flashé. Pleine de paparazzi, flashé, flashé, flashé, flashé. La route est pleine de paparazzi.